C'est vous qui me l'allez apprendre. Mais il est écrit ici bas que qui va piano va sano. Et que qui va sano va lontano. Et je voudrais bien arriver. Eh bien, qu'avez-vous résolu? Ce que tu voudras. Nous revoilà chez le chirurgien. Il était écrit là-haut que nous y reviendrions. Le docteur, sa femme et ses enfants se concertèrent si bien pour épuiser ma bourse par toutes sortes de petites rapines qu'ils eurent bientôt réussi. La guérison de mon genou paraissait bien avancée, sans l'aide. La plaie était refermée, à peu de choses près. Je pouvais sortir à l'aide d'une béquille. Et il me restait encore 18 francs. Pas de gens qui aiment plus à parler que les bègues. Pas de gens qui aiment plus à marcher que les boiteux. Un jour d'automne, une après-dînée qu'il faisait beau, je projetais une longue course. Du village que j'habitais au village voisin, il y avait environ 2 lieues. Et ce village s'appelait, si je vous le nommais, vous sauriez tout. Arrivé là, j'entrais dans un cabaret. Je me reposais, je me rafraîchis. Le jour commençait à baisser et je me disposais à regagner le gîte lorsque, de la maison où j'étais, j'entendis une femme qui poussait les cris les plus aigus. Je sortis, on s'était attroupé autour d'elle. Elle était à terre, elle s'arrachait les cheveux. Elle disait, en montrant les débris d'une grande cruche, « je suis ruinée pour un mois. Pendant ce temps, qu'est-ce qui nourrira mes pauvres enfants ?» Cet intendant, quel homme plus dur qu'une pierre, ne me fera pas grâce d'un sou. Que je suis malheureuse, je suis ruinée. Tout le monde la plaignait. Je n'entendais autour d'elle que la pauvre femme. Mais personne ne mettait la main dans la poche. Je m'approchai brusquement et lui dis, « Ma bonne, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ce qui m'est arrivé ? Est-ce que vous ne le voyez pas ? On m'avait envoyé acheter une cruche d'huile. J'ai fait un faux pas, je suis tombé, ma cruche s'est cassée, et voilà l'huile dont elle était pleine. » Dans ce moment, survinrent les petits-enfants de cette femme. Ils étaient presque nus, et les mauvais vêtements de leur mère montraient toute la misère de la famille. Et la mère et les enfants se mirent à crier. Tel que vous me voyez, il en fallait 10 fois moins pour me toucher. Mes entrailles s'émurent de compassion. Les larmes me vinrent aux yeux. Je demandai à cette femme, du nouveau entrecoupé, pour combien il y avait d'huile dans sa cruche. « Pour combien ?» me répondit-elle en levant les mains en haut. « Pour 9 francs, pour plus que je ne serais gagné en un mois. » À l'instant, déliant ma bourse et lui jetant 2 gros écus, « Tenez, ma bonne, lui dis-je, en voilà 12. » Et sans attendre ses remerciements, je repris le chemin du village. « Jacques, vous fîtes là une belle chose. » « Je fis une sottise, ne vous déplaise. Je ne fus pas à 100 pas du village que je me le dis. Je ne fus pas à moitié chemin que je me le dis bien mieux. » Arrivé chez mon chirurgien, le goût s'est vide, je le sentis bien autrement. Tu pourrais bien avoir raison, et mon éloge être aussi déplacé que ta commisération. Non, non, Jacques, je persiste dans mon premier jugement, et c'est l'oubli de ton propre besoin qui fait le principal mérite de ton action. J'en vois les suites. Tu vas être exposé à l'inhumanité de ton chirurgien et de sa femme. Ils te chasseront de chez eux. Mais quand tu devrais mourir à leur porte, sur un fumier, sur ce fumier, tu serais satisfait de toi.